Depuis que je traîne en bas, le soir chez moi, j'entends maman pleurer. Dans ce trouara, on veut pas de moi, je vois les profs se marrer. Bâtiment A, commissariat, je sais même plus où aller, aller. Quand ça va pas, pas de cheka, impossible de se barrer, barrer. Aucun diplôme, quelques chromes, et je les entends parler, parler. Olympia, Bercy Dôme, et je me surprends rêver, rêver. Gyrophare, sirène qui sonne, j'ai le sommeil léger, léger. Tête champagne, silicone, faut bien se laisser aller, aller. Seul au fond de la secla, je rêvais de sortir de là. J'avais pas les mots, j'avais pas les mots. J'aurais dû la prendre dans mes bras, lui dire qu'elle comptait pour moi. Mais j'avais pas les mots, j'avais pas les mots. Maman, je t'aime, papa, c'est pareil. Et j'ai jamais su le dire car j'avais pas les mots, j'avais pas les mots. Plus jeune, je trouvais pas les mots pour leur raconter mon histoire. Mais j'avais pas les mots, j'avais pas les mots. Quand les portes se ferment, j'fume de l'herbe et j'laisse les gens parler. J'tombe à terre, j'remonte en selle, j'vois ma vie s'étaler. Coup de première, coup de deuxième, combien de fois j'ai calé. Préviens mon père, préviens ma mère, j'en ai pour quelques années. Assurance, carte grise, du matin au soir contrôlé. Pas de vacances, un petit. Au quartier j'passerai tout l'été. Manigance, marchandise, influent, quoi qu'on dise. Face au vent, celui qu'on vise deviendra grand, quoi qu'il dise. Seul au fond de la secla, j'rêvais de sortir de là. J'avais pas les mots, j'avais pas les mots. J'aurais dû la prendre dans mes bras et dire qu'elle comptait pour moi. Mais j'avais pas les mots, j'avais pas les mots. Maman, je t'aime, papa, c'est pareil. Et j'ai jamais su le dire car j'avais pas les mots, j'avais pas les mots. Plus jeune, j'trouvais pas les mots pour leur raconter mon histoire. Mais j'avais pas les mots, j'avais pas les mots. Incompris dans mon coin, personne n'a qui parler. Avec le temps, t'iras pas loin, la conseillère me disait. Papa cesse de râler, maman pose ton balai. Trop d'années ont passé, jamais trouvé le temps de se parler. Souvent absent, tu t'as fait trop, elle aussi ne trouvait pas les mots. Quand tu seras grand, souvent ces mots s'en mêlaient dans mon cerveau. J'avais pas les mots, j'avais pas les mots. Terré dans mon silence, frérot, j'avais pas les mots. Seul au fond de la secla, je rêvais de sortir de là. J'avais pas les mots, j'avais pas les mots. J'aurais dû la prendre dans mes bras, lui dire qu'elle comptait pour moi. Mais j'avais pas les mots, j'avais pas les mots. Maman, je t'aime, papa, c'est pareil. Et j'ai jamais su le dire car j'avais pas les mots.